Universal. Big Steve on the track. On a enfumé la pièce. Y'a pas de malaise. Middle dans la coque, tu fais le balèze. Laissez-moi dans mon bise. Laisse-moi, tu es devenu bise. Je veux pas te faire une crise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vis comme un paysan. Un paysan. Moi je suis comme moi, je suis pas trop obéissant. Obéissant. J'aime plus trop le bordel. Je préfère rester seul en vieillissant. Y'a eu que des galères, mais n'oublie le passé en guérissant. Aujourd'hui tout va peiner, demain tout le monde est peiné. Même bon ça ira, là je fume la sativa. J'ai plus l'âge de traîner, que des blèmes je vais m'emmener. Nous deux on s'aimera, pas comme Piqué et Shakira. Sous Forbidden, quand je conduis c'est la Formule 1. C'est pas formidable moi, j'ai pas dormi jeune. 19 ans je fume la Marie-Jeanne, la Marie-Jeanne. Se Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. On sent dans les Parisiens. Un ovni sur la province. Un Marseillais sur le Parisien. Parisien. Parisien. Un ovni sur la province. Un Marseillais sur le Parisien. J'aime pas les faux qui font les vrais, hein. J'aime pas les fils d'eux. Tous dorés mes disques. Je me montre pas et ils disent que j'ai changé. Je fais des tours de rond-point en rentrant le soir quand je me sens pisté. Je suis le même, j'insiste. Ah. J'crois que la snipe empêche tous les lasers. Loin des mythos, loin des matières. Faut se rassembler au lieu de se faire la guerre. Vous c'est pour rien quand vous dites mon frère. Forbidden, quand je conduis c'est la Formule 1. Non, c'est pas formidable.